nalin lo ka leve, kokotye ka bouje. Kavese-mwen, kavese-mwen. Lan nuit la ka tombe, tombe, ti zezo ka pose. Se pon moti chante. Kavese-mwen, kavese-mwen. Lan me a ka jemi, nalin lo ka fremi. Kokotye ka pande, kavese-mwen, kavese-mwen. Di mon mai ka plere, non m'lan fatigue, waye, san yo tout ka koule. Kavese-mwen, kavese-mwen. Caressez-moi, l'ennui de la ca tombe, tombe, tis oiseau ca posé, c'est pas maudit chanter. Caressez-moi, caressez-moi, l'homme a ca gémi, la lune l'a ca frémi, cocotier ca palé. Caressez-moi, caressez-moi, dis maman ca pleuré, non m'en fatigué. Caressez-moi, caressez-moi, la terre.